Chapitre 17e. Orage au désespoir. Juste au moment où j'enfile ma veste, le bigot retentit. « Patron, c'est votre femme, » me fait Berthaud, d'une voix blanche. « Qu'est-ce qui se passe ? » fais-je en arrachant le combiné des mains de Berthaud. « Gino, bien vite, ils ont foutu le feu au bar. Il y a les pompiers, mais je crois que tout va y passer. Viens, je t'en supplie. »« Oui, oui, j'arrive tout de suite, » je murmure, angoissé. Sorti du central, sirène hurlante, gyrophare en action, estomac noué et poissant à l'heure. « Punaise, qu'est-ce que c'est encore que cette angasse ?» Elle m'a dit « Ils ont foutu le feu. » Donc elle a dû les voir. Ce n'est pas un accident. À moins que ce soit un client, avec sa cigarette. Mais dans ce cas, l'extincteur de service aurait rapidement circonscrit l'incendie. Et malheureusement, je peux encore donner libre cours à ma paranoïa. Pourquoi toujours nous? Pourquoi on nous en veut? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Une voix intérieure me le dit bien. Ce que j'ai fait de mal, mais quand il faut passer à la caisse, ce n'est plus la même musique. Vengeance, vengeance. Moi aussi, je me vengerai de ceux qui ont voulu se venger. Moi aussi, je... Ouh là là! D'un peu, je m'empaye un camion. Allez, calmos, attends d'être arrivé, couillon, pour te faire monter la vapeur. Et tout d'un coup, voilà que me revient ce que j'avais oublié quand j'avais donné les consignes à mes hommes après la découverte du pote rose au large de Carreau. Je voulais leur demander de surveiller le bar, au cas où il y aurait des représailles. Quel abruti! Ben voilà, j'ai gagné. Mon instinct me le disait tout le temps, « Tu vas trop vite, Gino, et tu oublies le principal. » Le spectacle qui s'offre à ma vue est d'une tristesse infinie. Trois voitures de pompiers sont sur les lieux devant un amas fumant de décombres. Du bar au rez-de-chaussée et du premier étage, il ne reste rien que du charbon. Les pompiers n'ont pu sauver que la charpente, dont on aperçoit les poutres et les chevrons noircis par les fenêtres béantes et calcinées. Gilda est assise, effondrée sur le marchepied d'un camion, la tête dans les mains. Elle est tellement choquée qu'elle fait un bond quand je pose ma main sur sa joue. Ses sanglots redoublent. « J'aurais jamais dû faire ça !» me crie-t-elle. « On va le payer toute notre vie. On est maudits maintenant. » Il faut absolument que je la calme avant qu'elle mette au parfum tout le quartier. Je la fais se lever, la prends dans mes bras, je lui murmure. « Calme-toi, mon amour, je t'en supplie. Tu vas mettre tout le monde au courant. »« Je m'en fous, j'en ai marre. » « Bon, ce n'est pas gagné. » Le mieux que je la prenne dans ma bagnole pour essayer de lui faire recouvrer son calme. Une fois assise, je lui allume une gauloise. « Allez, je t'en supplie, calme-toi. Ils auraient pu te tuer ou te faire du mal. Ce ne sont que des dégâts matériels. Tu verras, on en refera un de bar, encore plus beau et plus moderne. Et puis on finira bien par les avoir et par s'en débarrasser. Raconte-moi comment ça s'est passé. « Mais j'ai plus rien !» hurle-t-elle. « Il ne reste plus que ce que j'ai sur moi. Et toi, c'est pareil. » Toutes tes affaires ont cramé, l'appareil photo, les papiers, tes costards, tout. C'est pas grave, allez, dis-moi ce qui s'est passé. Ils étaient deux sur une moto. Celui qui était derrière avait une bouteille d'essence dans chaque main. Il allumait les mèches, et on a balancé un dans le bar et l'autre au premier par la fenêtre. Et puis ils sont repartis pendant que ça commençait à flamber sec. Je suis sorti par la cuisine, parce que par devant c'était déjà plus possible. J'ai rien pu faire, même pas téléphoner. C'est Marcel qui a donné l'alerte, quand il a vu le feu depuis sa fenêtre. Les pompiers ont fait ce qu'ils ont pu, mais... Les sanglots reprennent. Il n'en reste plus rien. Plus rien. Le chef des pompiers tape à la vitre de la voiture, l'air extrêmement gêné. Je suis désolé, mais ça a pris à une vitesse fantastique. Nous avons pu sauver la charpente, encore qu'il faudra la faire expertiser pour connaître son état exact. Les murs n'ont pas fissuré, c'est bon signe. C'est un incendie criminel, évidemment. Si vous avez besoin de quelque chose. Non, merci, c'est très gentil. Nous allons nous faire héberger en attendant. Je ne sais pas comment nous allons faire. Merci encore. Nous sommes dans le caca, c'est certain. Chez moi, les stacks, ça n'est plus habitable. Chez Marcel, c'est trop petit. Il reste l'hôtel, mais je nous vois tous les deux dans une chambre tristounette à pleurer. Non, pas ça. Tout bien pesé. Il y a deux possibilités en attendant. Ou squatter chez Paula, la mère de Gilda, ou taper l'incruste chez Serge et Sylvia. Je laisse le choix à Gilda, qui tranche rapidement. Nous allons aller chez ma mère. Chez Serge, je serai seul dans la journée et trop loin de toi. Je ne me sens pas d'aller là-bas. Chez ma mère, j'aurai de la compagnie. Elle va me gonfler, mais je préfère encore ça. Personnellement, je redoute un peu de coucher sous le même toit que Paula. J'ai peur qu'elle commence à fantasmer et c'est un peu risqué. Il faudra que je mette les pendules à l'heure dès le départ, sinon bonjour la cata. Il va falloir aussi que je vois mon propriétaire pour faire avancer les travaux qui traînent un peu trop. Rien ne se passe jamais comme on l'a prévu. Adieu mon bain et mes sardines grillées. Mais franchement, maintenant je n'ai plus goût à rien. Et puis tiens, bonjour les prières de la mère Sanchez. Enfin, de toute façon, je n'y croyais pas, alors. J'erre parmi les décombres, à la recherche d'objets miraculeusement épargnés. Je retrouve la boussole de Georges, sauvée par la boîte métallique qui la contenait. Je ramasse les clés de la Mini et de la 4L de Gilda. Mon appareil photo est malheureusement naze. Heureusement que mes pellicules photos sont chez Pécoule. Quant à mes notes, tout est dans ma tête, mais il faudra que je réécrive au fur et à mesure toutes les infos qui me reviennent en mémoire. Gilda fait la même chose que moi, sans s'arrêter de pleurer. Elle s'affaire à ramasser par-ci par-là une cuillère, un verre, comme si c'était des reliques chères à son cœur. Finalement, elle se dirige doucement vers la voiture où elle se laisse tomber sur le siège, comme épuisée. « Allez, amène-moi, murmure-t-elle. Je n'en peux plus. » Arrida saussait. Nous faisons un détour pour acheter deux brosses à dents et de quoi faire notre toilette. Pour le reste, il fera jour demain. Paula nous reçoit catastrophée en voyant notre mine. Elle écrase une larme et serre sa fille tendrement. « Ma grande, ne pleure pas, je t'aiderai. J'ai encore de l'argent en banque. On repartira à zéro et avec Gino, on va y arriver, ne t'en fais pas. » Nous nous laissons tous trois tomber dans le canapé et les fauteuils. D'autorité, je me relève pour aller me servir un whisky sec et exceptionnellement, les femmes m'accompagnent. Nous restons ainsi 5 bonnes minutes sans prononcer une parole. J'avise le téléphone. Il faut que je prévienne le bureau de notre malheur, même s'ils ne pourront pas faire grand-chose. « Allô, c'est toi l'Antoine ? Il m'arrive une couille de première. » Et les lunaires et le désastre qui nous frappe. Le gargon se perd en interjections et en exclamations de surprise et de colère. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, patron, vous pouvez compter sur moi. J'ai un grand appart et je suis seul. Je peux vous héberger pendant le temps qu'il faudra. » Brave gargan. Ça n'arrange pas, mais ça réchauffe le cœur et je lui dis en le remerciant du fond du cœur. « Je vous ai appelé plusieurs fois, mais je comprends pourquoi vous ne répondiez pas. J'ai une info. Vous la voulez ou vous préférez attendre plus tard pour ne pas vous prendre la tête ce soir ?»« Non, vas-y, dis-je. Ça me changera les idées. » Ça vient de l'équipe des écoutes de chez Meyer. Le gars de ce matin a appelé. Il a donné à Meyer ses nouveaux numéros de téléphone et a dit qu'il serait valable à partir du 26 mai. Il a dit aussi qu'il habiterait au 115, au 5e étage. Il n'a pas donné le nom de la rue. « Ah non, chef. À mon avis, ça ne doit pas avoir d'importance. Vous avez de quoi noter ? Je vous donne les numéros de téléphone. » « Allez, vas-y, j'écris. 42, 52, 47 et 6, 18, 12. Le numéro de la rue, 115 au 5e étage. Voilà, j'ai noté, mais ça ne me dit toujours rien. Attends, puisque je t'ai, il faut activer à fond les recherches sur Costanza. Tu sais, le mec du cabriolet Lancia. Mets-moi tous les indices de Marseille sur ce coup. Je veux un résultat éclair. C'est lui qui a dû commanditer l'incendie de ce soir. Il va payer cher, ce fumier. J'en fais une affaire personnelle. Je n'en ai rien à foutre de la justice. On va se mettre en 4, et même en 8, patron. Mes amitiés à Madame Gilda, et dites-lui bien que nous sommes de tout cœur avec elle. La pauvre, elle est si jolie. Bon, gargan, t'excite pas, hein. Je m'excuse auprès de Gilda de m'occuper d'autre chose que de notre malheur, mais elle a entendu la dernière partie vindicative de mon coup de fil, et cela lui suffit pour me pardonner. Dans la cuisine, en aparté, Paula me glisse. « Gino, je t'en supplie, fais en sorte que tout ça s'arrête. Je sais que Gilda ne récolte que ce qu'elle a semé, plus ou moins, et toi aussi d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas vivre indéfiniment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. » Et deux gousses d'ail plus tard, alors que j'ai une casserole dans les mains, elle me lance à voix basse. « Gino, si Gilda doit faire quelque chose de sa vie, ce sera avec toi et avec personne d'autre, j'en suis persuadé. Alors remue-toi le cul. » Si tu l'aimes. Légèrement choqué par la vulgarité inhabituelle de Paula, je mesure combien elle a mis de cœur dans son discours et j'en suis un peu bouleversé. Paula, tu ne crois pas qu'il faudrait qu'on décide de se tutoyer une bonne fois pour toutes ? Un de ces jours, ça va nous échapper devant elle et je ne te dis pas le scandale. Tu as raison, je vais le dire tout à l'heure. D'autant plus que vous allez rester un certain temps chez moi. Oui, d'accord, Paula, mais pour le reste, profil bas, tu comprends ? Tu sais, Gino, ça me fait plaisir que tu sois là. Mais chaque fois qu'on a vécu ensemble, c'est parce qu'il était arrivé un malheur. Cette fois, je suis beaucoup plus soucieuse que l'autre fois parce que financièrement, il va falloir que je racle tous les fonds de tiroir. Mais s'il le faut, je m'en fous. Je vendrai l'appartement. Et franchement, je préférerais qu'elle prenne un autre commerce qu'un bar. Du salon, Gilda nous interpelle. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux ? Rien, répond Paula. Gino m'a mis au courant de l'affaire avec Costanza. J'adresse un clin d'œil à Paula et nous retournons au salon en attendant que les pâtes cuisent. Malgré l'âge, la nuit ne nous a pas porté conseil, loin de là. Gilda a peu dormi en faisant des cauchemars. Quant à moi, ma colère et ma haine contre Costanza ont enfin éclos et je suis prêt ce matin à massacrer la moitié de la terre. Paula, qui est une femme de tête, va s'occuper des déclarations de sinistre avec Gilda. Et je retourne au bureau pour essayer de faire activer les choses.